Merci pour votre fidélité à nos ondes. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici d'abord les principaux titres. À Lomongué, des mesures préventives contre la propagation du choléra ont été prises ce mardi, dont l'interdiction temporaire du commerce ambulant des aliments cuits et la fermeture des bars et restaurants non hygiéniques. Vous aurez le point dans cette édition. On vous parlera des faibles moyens comme un frein pour la CVR à la réalisation d'un recensement sur les événements qui se sont déroulés les années passées, qui couvrent tout le pays. Vous aurez les détails. Et les députés sont préoccupés par les médecins qui s'en vont à l'étranger et cela compte tenu des audits de la Cour des comptes faits dans les hôpitaux de Chibitoke, Mulanvia, Muyinga et Lumonge. Vous l'entendrez. Et voilà pour l'essentiel. Dori Bingabide à la présentation. Albert Ndouayo assure la mise en onde. Dans un instant, les détails. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bienvenue encore. Les enquêtes sur les événements de Niga Malangara seront menées l'année prochaine et celle de 1993 en 2025 si les moyens le permettent. Ceci a été annoncé ce lundi lorsque la commission Vérité et Réconciliation présentait son rapport sur 4 ans devant les deux chambres du Parlement. Ces moyens insuffisants font que la CVR mène actuellement un recensement dans 3 provinces sur 18, ce qui a poussé le Parlement à demander au gouvernement d'augmenter le budget alloué à la CVR. Mireille Kanyang. Ce recensement effectué par la CVR est relatif aux personnes tuées entre 1885 et 1973, les personnes disparues, les personnes qui ont protégé les autres, celles qui ont demandé et obtenu pardon. C'est un recensement jusqu'ici mené dans 3 provinces, à savoir Tchangouzo, Bururi et Lumonge. Le député comme Manera Kiza demande le pourquoi de ce choix. Le recensement. Vous avez dit que vous allez commencer le recensement par les provinces Tchankouzo, Rumonge et Bururi. Pourquoi avoir pris ces provinces, notamment la province Tchankouzo, alors qu'on a vu qu'il n'y a pas eu de restes humains trouvés? Sur ce, Pierre Clavé Andaïchalié, président de la CVR, explique ce choix par le budget lui accordé. Quand on utilise le budget qui nous est alloué, on regarde combien on nous a donné. Les moyens financiers qu'on nous a accordés, c'est pour 3 provinces. Si on a déjà déterminé les 3 provinces, on regarde les provinces qui ont moins de communes parce que l'on travaille avec les autorités locales. Quand on déploie les travailleurs dans 5 communes, c'est différent d'un déploiement dans 11 communes. La particularité sur Tchangouzo, c'est qu'on a eu moins d'informations sur des tueries. Lors de la présentation du rapport de mandat ce lundi sur 4 ans, le président de la CVR a en outre annoncé que les enquêtes sur les événements de 1988 débutent l'année prochaine si les moyens le permettent. En 2024, si les moyens nous le permettent, la commission Vérité et Réconciliation commencera ses enquêtes sur les tueries de 1988, appelées événements de Niga Malangara. En 2025, si les enquêtes sur Niga Malangara ne traînent pas, la CVR affirme son engagement à débuter les enquêtes sur les tueries de 1991 et les atrocités survenues après l'assassinat du président Melchior Ndadaye en octobre 1993. Vu ces moyens insuffisants, l'une des recommandations du Parlement burundais dans une déclaration, c'est de demander l'augmentation des moyens comme lu par Daniel Gelaz Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale. Recommande au gouvernement de la République du Burundi de donner les moyens suffisants à la commission Vérité et Réconciliation pour effectuer le recensement des personnes victimes de multiples violations graves des droits humains de 1885 à 1973, des personnes ayant accepté de demander pardon, celles qui ont déjà accordé le pardon et celles qui ont sauvé des gens au cours de ces moments de violations graves des droits humains. Sur les 4 ans d'activité, le président de la CVR a fait savoir que 220 fosses communes ont été excavées avec plus de 220 000 restes humains. Continuons ce journal par cette page diplomatie. Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale en accélérant l'action menée pour réaliser le programme 2023 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tout le monde. Voilà les principaux points qui sont à l'agenda de la 78e Assemblée générale des Nations unies. Cette assemblée qui se déroule à New York aux États-Unis au siège de l'ONU du 19 au 26 du mois en cours a vu la participation des chefs d'État et des gouvernements. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, y compris. Le point avec Evariste Ndikobanyang. À l'occasion de cette semaine de haut niveau de la 78e Assemblée générale des Nations unies, les chefs d'État et de gouvernement et d'autres représentants nationaux de haut niveau se réunissent pour présenter leurs priorités et échanger sur les défis mondiaux afin de faire progresser la paix, la sécurité et le développement durable. Plusieurs temps forts sont organisés à marge ou dans le cadre de la 78e Assemblée générale des Nations unies, notamment le débat général, le sommet sur les objectifs de développement durable, ODD en sigle, le dialogue de haut niveau sur le financement du développement dans la foulée du sommet pour un nouveau pacte financier organisé en juin dernier à Paris, le sommet sur l'ambition climatique et le sommet sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies. Il y aura beaucoup d'absents à l'Assemblée générale des Nations unies qui s'ouvre ce mardi 19 septembre à New York. Xi Jinping, Vladimir Poutine ou encore Emmanuel Macron n'en seront pas, selon la Radio France Internationale. Mais Lula da Silva, le président brésilien, sera lui bien là, dans la foulée du G77 qui s'est tenu à Cuba. Son rendez-vous avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky est particulièrement attendu. À noter que la situation en Ukraine, pays envahi par la Russie le 24 février de l'année 2022, sera débattue au cours de cette 78e Assemblée générale de l'ONU, selon toujours RFI. Dans cette Assemblée générale des Nations unies, l'on note la présence des chefs d'État et des gouvernements. Parmi eux, on cite le chef de l'État burundais, Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndikobanyang, je vous l'avais dit dans les titres, les audits de la Cour des comptes effectués dans les hôpitaux de Chibitoke, Muramvya, Muyinga et Lumonge pour la période de 2018 à 2022 révèlent qu'il y a des départs et des médecins burundais vers l'étranger pour motif de faible salaire. Lors de la présentation du rapport des 10 audits à l'Assemblée nationale, certains députés plaident pour la hausse de leur salaire pour contrer ces départs. Le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Dr. Vince Imana, indique que le ministère se conforme à la loi en vigueur pour fixer les salaires. Sheila Irambona pour les détails. Au cours de cette session, beaucoup de parlementaires sont revenus sur cette question de départ des médecins vers l'étranger. Ils ont demandé si ces départs n'ont pas de liaison avec le salaire que perçoivent les médecins. Ils ont demandé pourquoi ces hôpitaux qui voient leurs employés partir n'augmentent pas leur salaire pour les inciter à rester, vu que ces hôpitaux ont des fonds. Et de demander pourquoi le ministère n'arrive pas à augmenter le salaire alors que les hôpitaux privés le font. Et à la ministre de la Santé de répondre que pour augmenter son personnel, le ministère de la Santé se conforme à la loi en vigueur. D'après une information tirée du ministère de la Santé, une enquête a été menée sur 80 hôpitaux en 2021. 130 médecins avaient déjà rendu leur tablier. Le président de l'Assemblée nationale a proposé à la ministre de la Santé de soumettre la question au gouvernement pour qu'une solution soit trouvée pour ce problème. Merci, Sheila Irambona. Et certaines mesures, comme disponibiliser l'eau potable en quantité suffisante dans les quartiers de la ville de Lumonge, l'interdiction temporaire du commerce ambulant des aliments cuits, fermer les bars et restaurants non hygiéniques, ont été arrêtées ce mardi pour se prévenir contre la propagation du choléra. Augustin Minani, administrateur communal de Lumonge, parle des mesures préventives depuis jeudi dernier, quand un cas de choléra a été déclaré dans le quartier Nyayamba de la ville de Lumonge. Pour certains, parmi les habitants de Lumonge interrogés, ce sont des mesures salutaires. Jean-Pierre Misago. À côté d'une campagne de sensibilisation pour observer des mesures d'hygiène débutées l'après-midi de ce 19 septembre courant, le commerce ambulant d'aliments cuits comme les beignets les pains, les frites est suspendu dans la ville de Rumonge et les débits de boissons et restaurants sans eau et latrines améliorées vont être fermés. De plus, les bladères seront placés notamment en Kayamba, Kiwanya et Mugomere et les robinets publics seront de nouveau fonctionnels. La lessive dans les eaux du lac Tanganyika ou dans les rivières tributaires du lac Tanganyika est interdite. Il s'agit des mesures arrêtées ce 19 septembre courant par l'administration communale de Rumonge pour se prévenir contre la propagation du choléra dans la ville de Rumonge, dont le premier cas a été déclaré le 14 septembre courant dans le quartier Nkayamba de la ville de Rumonge, selon Augustin Minani, administrateur communal de Rumonge. Il s'agit, selon lui, d'un cas importé puisque le patient rentré de la ville de Bujumbura, raison pour laquelle il appelle la population de la ville de Rumonge à observer scrupuleusement ces mesures afin d'éviter la propagation du choléra qui s'est limité jusqu'à présent, selon lui, à ce seul cas. Pour certains vendeurs ambulants et propriétaires des débits de boissons contactés, il s'agit des mesures salutaires, même si les conditions de vie deviendront difficiles, notamment pour ces vendeurs ambulants. Entre-temps, une réunion d'évaluation est prévue ce vendredi. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. L'actualité nationale continue et en bref, un enfant a été brûlé par le carburant de type essence au cours de cette nuit à la 5e transversale de Gihanga dans la province de Bubanza. Sa mère a été atteinte au bras quand il essayait de sauver son enfant. Les deux ont été vite évacués dans un hôpital de Bujumbura pour des soins médicaux, selon les voisins. Les administratifs à la base expliquent que l'origine de l'incident est un chauffeur qui retirait le carburant de son véhicule de type Probox qu'il avait garé à côté de la cuisine et c'est ainsi que l'enfant et sa mère ont été brûlés. Le chauffeur est en cavale jusqu'à présent. Le véhicule a brûlé à moitié et est garé au commissariat communal de police. Et quatre personnes mortes, tel est le bilan occasionné par un glissement de terrain survenu l'après-midi de ce lundi dans l'un des sites miniers de la colline Kivuvu en commune Kabarole de la province Kayanza. Ces informations sont confirmées par la police en cette commune. Sagouye Berkmas, administrateur de cette commune, demande au président des coopératives de l'exploitation minière à Kabarole de veiller beaucoup à l'assurance vie des ouvriers miniers. Jean-Claude Nzeimana, le directeur général de l'Office burundais des mines, fait savoir qu'il va organiser cette même semaine en cours une descente sur terrain en commune pour s'enquérir lui-même de cette situation. Restant à Kayanza, pour parler de ces feux de brousse qui ont sensiblement diminué en cette province, le chef d'antenne provinciale Kayanza au sein de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, qui le dit, fait savoir que cette année, on a enregistré des feux de brousse sur une étendue forestière d'un hectare et demi au moment où les années antérieures ont enregistré au moins des feux de brousse sur une étendue des forêts variant entre 10 et 20 hectares. Léonce Bissamakoro, de même que le directeur du bureau en charge de la protection de l'environnement, agriculture et élevage en province Kayanza, demande à l'administration d'intervenir surtout dans la dénonciation des destructeurs de l'environnement. Patrick Nsengiyumba. Comme l'indique Léonce Mbissamakoro, chef d'antenne provinciale au sein de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, ce hectare et demi d'arbres brûlés pendant cet été était une sylvace forestière de l'administration communale Langwara Colline Rusave. Il fait savoir que la cause de ces feux de brousse n'est pas liée à la malfaisance de la destruction de l'environnement, mais que plutôt c'était des conflits fonciers qui existaient entre les habitants de la colline Rusave qui ont brûlé chez eux et que l'incendie a atteint même cette espace forestière de l'administration communale Lango. Selon Léonce Mbissamakoro, Simbisa Makolo ces dernières années, après la période des sèches en province Kayanza, on pouvait enregistrer au moins une étendue des forêts brûlées comprises entre 10 et 20 hectares par année, mais que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le chef d'antenne provinciale au centre de l'OBPI à Kayanza fait savoir que pour franchir son pas en ce qui est de la lutte contre les feux de brousse, la stabilisation permanente en a joué un rôle très prépondérant. Mais mes propos avec Adeline Yonsaba, directeur provincial du bureau en charge de la protection de l'environnement, l'agriculture et l'élevage à Kayanza. Tous ces deux responsables à Kayanza en charge de la protection de l'environnement indiquent qu'une fois l'environnement détruit, la vie humaine et animale ne sont plus possibles et que c'est tout le système écologique qui est perturbé. D'où ils appellent tout en chacun, surtout les administratifs, à faire la sienne et la lutte contre les destructeurs de l'environnement. Depuis Kayanza, Patrick Nsengimva pour la radio Isanganilo. Merci à toi Patrick. Et pour boucler cette édition, les activités champêtres constituent une menace sur la réserve naturelle de Mongé qui touche les provinces de Lumongé et de Bujumbura. Les responsables de cette réserve confirment la réduction de sa superficie d'environ 2000 km² suite à ces activités au sein de la Direction générale de l'Office burundais pour la protection de l'environnement. L'on rappelle qu'il est interdit de pratiquer des activités dans les aires protégées. Omer Ndouayo nous fait le point dans ce reportage réalisé avec le soutien de Rainforest Journalism en partenariat avec Pulitzer Center. Depuis sa création, vers les années 80, la réserve naturelle de Mongé s'étendait sur une superficie de 5000 hectares. Mais vers les années 90, dit Cyprien Nyongabo, responsable de cette aire protégée, la réserve naturelle de Mongé a été envahie par les gens qui exerçaient des activités champêtres. Sa superficie, lors de sa création en 1989, était de 5000 hectares. Mais aujourd'hui, la réserve a été envahie par la population de tout venant à la recherche des pâturages, à la recherche des cultures pour les activités anthropiques. Et ça a été diminué de telle manière qu'aujourd'hui, nous estimons que la réserve naturelle de Mongé se trouve sur une superficie de 3200 hectares. Ceux qui exercent ces activités avancent différentes raisons. Vital Haragirimana trouve que la délimitation n'a pas été consensuelle. D'autres donnent de l'argent, communément appelé Ikibando, aux écogardes. Puis leur font des terres à cultiver. Des raisons non soutenues par les éco-gardes, arguant plutôt que ces gens-là envahissent la réserve sous prétexte que sa terre est encore riche. Un éco-garde accusé d'octroi des terres aux cultivateurs doit être puni. Propos de Berkima Satungimana, directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, qui signale que être révoqué de ses fonctions est la punition qu'il qualifie de moindre chez l'accusé. Nous le savons, et la plupart des cas nous punissons ces éco-gardes. La punition, la plus pire, donc, c'est le renvoi. Donc, ils sont révoqués de la fonction. Et ensuite, ils nous les traduisent donc, en justice pour que la justice puisse lui aussi faire son travail. André Ndouimana, professeur d'université, expert environnementaliste, plaide pour la synergie des intervenants pour la sauvegarde des aires protégées. Au Burundi, presque toutes les aires protégées, les limites sont discutées. Parce que les limites ont été mises sur une décision, je dirais, unilatérale de l'État. On dit ici, c'est les protégés sans demander même aux populations locales qui étaient obligées d'accepter. C'est pourquoi vous allez trouver que beaucoup de populations riveraines réclament que les limites ne sont pas justes. Il faut une certaine démarcation des limites, redéfinir ces limites et le faire en sorte qu'on évite les conflits avec les populations locales. Cette réserve sous menace de destruction est à cheval entre la commune Mukike de la province Bujumbura et la commune de Muhutai Bugarama de la province Rumonge. Et c'est par cet élément que ce journal prend fin. Merci de nous avoir prêté oreille. À la présentation d'Oreb Ingabile, Albert Ndouayo assuré la mise en onde. Excellente suite des programmes sur Isanganiro.